إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer inshallah ensemble la lecture d'une muhadara du Cheikh Saleh Al-Fawzan qui s'intitule دعوة التوحيد وسهام المغرضين. La da'wa du tawhid et les flèches des ennemis de cette da'wa, des gens qui ont opposé les prophètes et les messagers dans la da'wa à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Donc le Cheikh il commence en disant Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. العنوان كما سمعتم دعوة التوحيد وسهام المغرضين. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة بأن يجعل المعبود واحدا. هذا هو التوحيد. Donc le Cheikh il dit Alhamdulillah, après avoir dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, il dit Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses proches et également sur tous ses compagnons. Amma ba'd, il dit que le sujet de cette conférence, comme vous avez entendu, c'est la da'wa du tawhid et les flèches des ennemis. Et le Cheikh explique ensuite que le tawhid, qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. D'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ça veut dire qu'on fasse que le seul qui est adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui soit adoré, la seule chose qu'on adore, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. C'est ça le tawhid. وَحَدَ تَوْحِيدًا أي جَعَلَ الْمَعْبُودُ وَاحِدًا وهذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. Donc, وحد يوحد توحيدا. Ça c'est le verbe, hein, et c'est de là que vient le mot tawhid, c'est-à-dire de rendre quelque chose, de faire que quelque chose soit un. Et donc, de faire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala soit rejeté, et que on adore que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et ça, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures. C'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ فَالْحِكْمَةُ مِنْ خَلْقِهِ سُبْحَانَهُ لِلْخَلْقِ لِلْجِنِّ وَالْإِنسِ ليأمرهم بعبادته إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي. Donc le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux aucune subsistance et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance et qui pourvoit le risque. Zul quwwatil matin, celui qui a la force et qui est, hein, inébranlable. Et la sagesse d'avoir créé les hommes et d'avoir créé la création, existé pour qu'il soit adoré lui seul. Il a créé les djinns et les hommes que pour ça, pour qu'il soit adoré lui seul. Illa liya'budun. C'est-à-dire, excepté, je les ai créés, excepté que pour qu'il soit ordonné de m'adorer. Ensuite, le cheikh il dit, ومصلحه ذلك راجعه اليهم فانهم اذا عبدوا الله وحده فان ذلك ينجيهم من عذاب الله ويدخلهم الجنه ويدر عليهم الخير في الدنيا والاخره فمصلحه العباده ليست راجعه الى الله لان الله غني عنهم وعن عبادتهم لو كفروا جميعا ما نقصوا من ملكه شيئا ولو أطاعوا جميعا ما زادوا في ملكه شيئا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Donc le cheikh il continue en expliquant et en disant que le bienfait de cette adoration, elle revient à la création et à la créature. Elle ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, eh bien, en faisant ça, ils sont sauvés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cela qui les fait rentrer au paradis. Et qui fait qu'ils reçoivent par la suite sur eux le bien dans cette dunya et dans l'akhirah. Donc, le bienfait de cette adoration, elle est pour eux. Elle est pour les, c'est pour les créatures elles-mêmes. Elle est pour eux et elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ghani. Il est le riche. Hein, celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de rien. Tandis que ce sont les créatures qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit que si toutes les créatures rejetaient la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et refusaient de croire en lui et de l'adorer, eh bien, ça ne diminuerait Allah subhanahu wa ta'ala en quoi que ce soit. Hein? Ça ne diminuerait Allah subhanahu wa ta'ala en rien. Et si tous les êtres humains décidaient de se réunir et pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça n'augmenterait Allah subhanahu wa ta'ala en rien dans son royaume. Et il mentionne un verset qui est dans Surat Ibrahim, le verset 8. Et Moïse a dit, si vous rejetez la foi, vous tous, hein, si vous rejetez la foi, vous ainsi que tous les hommes sur la terre, hein, et tous les êtres sur la terre, alors sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ghani yun hamid. Il est celui qui se suffit à lui-même, qui est riche et qui est digne de louange. وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. Le cheikh il mentionne un hadith qui est un hadith qudsi. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô mes serviteurs ou ô mon serviteur, si le premier et le dernier d'entre vous, parmi les djinns et parmi les hommes d'entre vous, avait le cœur du plus pieux d'entre tous les hommes parmi vous, ça n'aurait rien rajouté dans mon royaume. Et si le premier et le dernier d'entre vous, c'est-à-dire tous les hommes, du premier jusqu'au dernier, parmi les djinns et les hommes, avaient le cœur du plus pervers de tous les hommes, eh bien ça n'aurait rien diminué dans mon royaume. Il dit, فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى غَنِيٌّ عَنَّا وَعَنْ عِبَادَتِنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ الْمُحْتَاجُونَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ لِتُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ ولأجل أن تصلنا بربنا جل وعلا ولتعرفنا به فنحصل على سعادة الدنيا والآخرة فالله جل وعلا أمرنا بعبادته لمصلحتنا ولدفع المضرة عنا هذه هي الحكمة من أمره بعبادته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il est ghani, il est riche, il se suffit à lui-même. Donc il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de l'adorer. Pour que cela puisse nous rapprocher de lui et que cela puisse créer un lien auprès de lui en l'adorant et de faire en sorte qu'on puisse le connaître en l'adorant et qui va nous amener à obtenir le bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer pour notre bien et pour repousser un mal de nous-mêmes. Voilà la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer. وضد التوحيد الشرك بالله عز وجل والشرك هو عبادة غير الله مع الله أن يجعل شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والخوف والخشية والرغبة والرجاء وغير ذلك فإذا جعل شيء من هذه الأنواع من هذه أو من أنواع العبادة لغير الله فهذا هو الشرك لأنك جعلت لله شريكا في عبادته. Donc le cheikh il explique, il dit que le contraire de cela, le contraire du tawhid, c'est le shirk. C'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires. Et le shirk c'est d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou que tu offres ou que tu donnes à une chose quelconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, une d'entre les formes d'adoration, comme le fait de sacrifier pour autre que Allah, le fait de faire des vœux pieux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire des invocations et des du'as pour demander à autre que Allah, le fait de chercher ou d'appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse, le fait de craindre et d'avoir peur d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer et d'avoir l'espoir d'aimer autre que Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir l'espoir en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Si quelqu'un offre une d'entre ces formes d'adoration ou n'importe quelle autre forme d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est une forme de shirk, c'est une forme d'association dans l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as donné à Allah un partenaire dans ton adoration. Tu as offert ton adoration à autre que lui ou à quelqu'un d'autre avec lui. وَأَوَّلُ مَا حَدَثَ الشِّرْكِ فِي الْأَرْضِ فِي قَوْمِ نُوحِ حِنَمَا غَلَوْ فِي الصَّالِحِينَ كَانُوا فِي الْأَوَّلِ عَلَى التَّوْحِيدِ مِنْ عَهْدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إلى قوم نوح كانوا على التوحيد وكان فيهم رجال صالحون علماء عباد علماء وصالحون يحبونهم حبا شديدا فماتوا في عام واحد مات هؤلاء الصالحون في عام واحد فحزن عليهم قومهم فجاء الشيطان إليهم وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا العبادة إذا رأيتم صورهم تتذكرون العبادة أو تذكرتم العبادة. Donc le cheikh il dit la première forme de shirk ou le premier shirk qui est apparu sur la terre après que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et a créé ses descendants par la suite, toutes ses descendants ont été sur le tawhid jusqu'à l'époque de Nuh alayhi salam. C'est à cette époque-là que le shirk est apparu. Et la manière dont le shirk est apparu, c'est par l'exagération au sujet des hommes pieux. L'exagération envers les hommes pieux et les hommes vertueux. Au début, tous les hommes, comme on l'a dit, ils étaient sur le tawhid, depuis Adam jusqu'à Nuh. Puis, parmi eux, il y avait des hommes pieux, des savants, des ulama, des adorateurs, des hommes vertueux. Et les gens les aimaient d'un amour très fort. Lorsque ces hommes sont morts, ils sont tous morts la même année. Ces hommes pieux et ces hommes vertueux sont morts tous d'un seul coup, la même année. Ils sont tous morts la même année. Alors les gens ont été attristés. Ils ont été pris d'une grande tristesse. Le shaitan leur est venu et est venu leur suggérer de faire leur image, de faire leur représentation et de les placer à l'endroit où ces hommes avaient l'habitude de s'asseoir et de se réunir dans le but de se rappeler de leurs adorations, comment ils adoraient Allah. Hein? En voyant leur image, le shaitan leur a fait penser qu'en voyant leur image, ça allait les encourager à se rappeler de leur adoration et à faire eux-mêmes des efforts. Hein? Et que ça allait les encourager à faire des efforts eux-mêmes dans l'adoration. جاءهم من طريق النصيحة والتشجيع على الخير ولم ينظروا إلى العواقب ولم يفطنوا لكيد عدوهم فأعطوه أو فأطاعوه لأن هذا أمر ظاهره أنه خير يصورون صورهم وينصبونها على المجالس ويناظرونهم ويتذكرون أحوالهم وينشطون على العبادة فعلوا ذلك ولم يحدث شرك في أول نصب هذه الصور لأن فيهم علماء فيهم العلماء ولم يتجاسر الشيطان على أن يقول لهم أن هذه الصور تنفع وتضر لأن العلماء ينكرون هذا. Donc le cheikh il dit que le shaitan, comme on le voit, et ça c'est son habitude, c'est comme ça qu'il agit, c'est comme ça qu'il égare les hommes, c'est comme ça qu'il les trompe. Lorsqu'il est venu, il est venu min bab al-nasiha ou an tariq al-nasiha, dans le but de leur donner un conseil, d'essayer de montrer qu'il est sincère envers eux. Il leur montre que il leur ordonne de faire ça ou leur suggère de faire ça uniquement dans le but de les encourager à faire le bien. Hein? Et ils n'ont pas compris ou n'ont pas pensé aux conséquences négatives qui allaient découler de ce geste et de cette façon de faire. Ils n'ont pas compris la ruse de leur ennemi qui était derrière. Alors ils ont obéi au shaitan. Ils ont obéi au shaitan dans cet ordre qui en apparence est bonne. Alors ils ont fait ces images et ils les ont placées à cet endroit où ces hommes avaient l'habitude de se rassembler et de se réunir. Et ils se sont rappelés donc de leur situation, de leur état, de qu'est-ce qu'ils faisaient. Et cela les encourageait et les motivait à faire des adorations. Et lorsqu'ils ont fait ça, au tout début, il n'y a pas de shirk qui s'est produit. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de forme de shirk au début. Hein? Ils ont placé ces images et les gens n'ont pas fait de shirk au tout début. Pourquoi? Parce que parmi eux, il y avait des ulama. Parmi eux, il y avait des savants, des hommes de science qui les avertissaient contre l'égarement, hein? Les avertissaient contre le fait de croire ou de dire que ces images pouvaient leur profiter ou leur nuire. Il y avait des savants qui interdisait ou dénonçait ou condamnait ce genre de croyance ou ce genre de choses. Lorsque le cheikh dit falamma madat hadhihi al-mudda mat al-ulama fi qawmi nuh matu wa lam yabqa minhum ulama nusikha al-ilm wa lam yabqa illa jahala lam yabqa illa jahala faja'a ash-shaytanu ilayhim qala inna aba'akum ma nasabu hadhihi as-suwar إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون بها كانوا يسقون المطر فدخل ذلك في عقولهم لجهلهم ولم يكن هناك من العلماء من يرد هذه الشبهة وهذا الكيد هو أول سهام المغرضين على التوحيد فعبدوهم من دون الله عبدوا هذه الصور donc le cheikh il dit que lorsque le temps est passé, les savants sont morts. Les savants dans le peuple de Nuh sont morts. Il ne restait plus parmi eux de savants. Alors la science a été oubliée. Il ne restait que des ignorants. Alors le shaitan est venu et leur a dit, vos ancêtres, lorsqu'ils faisaient ces images et lorsqu'ils ont placé ces images, ils les ont placés uniquement pour que vous les adoriez. et pour que yani, vous leur demandiez la pluie. C'est-à-dire, ces images sont là pour, hein, ils les ont placées là pour les prendre comme des intermédiaires entre vous et Allah, et pour demander la pluie ou pour rechercher la pluie. Alors, le shaitan leur a jeté cette shubha et c'est rentré dans leur esprit, dans leur, hein, dans leur logique. Ils leur ont fait croire que c'était logique de penser de cette manière-là à cause de leur ignorance. Et il n'y avait pas de savant pour leur réfuter cette shubha. Et donc ça, c'était la première ruse du shaitan avec ces gens-là. Et la, c'est la première flèche des ennemis du tawhid. فَعَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَدُوهَا لِهِ الصُّوَرِ Ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ces images. فَبَعَثَ اللَّهُ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامِ فيهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة هذه الأصنام ليردهم إلى الأصل الذي خلقوا من أجله وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يتركهم بأيدي عدوهم بل يرسل إليهم من ينبههم وينقض الشبهات التي تروج بينهم هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه يرسل الرسل وينزل الكتب لبيان الطريق الصحيح الموصل إلى الله جل وعلا والذي يبين الشرك وطرقه ووسائله ولم يترك عباده هملا ولم يتركهم للشيطان. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a fait venir son prophète Nuh alayhi salam parmi eux pour les appeler à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et pour les appeler à abandonner l'adoration de ses idoles parce que ces hommes pieux, les images de ces hommes pieux sont devenues des idoles maintenant puisqu'elles sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il les a appelés pour abandonner l'adoration de ses idoles et pour les ramener à la religion d'origine qui est le tawhid, la religion d'origine à la base pour laquelle ils ont été créés. Et ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs du fait qu'il ne les abandonne pas aux mains de ses ennemis. En fait, il leur envoie des messagers, il leur envoie des messagers pour les avertir et pour détruire les shubuhat, les ambiguïtés et les doutes qui sont propagés parmi eux. Et ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, qui leur envoie des messagers, qui leur fait descendre ou révéler, qui leur révèle des livres et des révélations pour leur clarifier la voie droite, la voie correcte qui amène les serviteurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui clarifie, et c'est eux également qui clarifient pour eux le danger du shirk et qu'est-ce que le shirk et quelles sont les voies et les moyens qui amènent au shirk pour que les gens puissent s'en écarter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas abandonné les hommes hein, de cette manière, sans connaissance, sans clarification, sans guidance. Hein. Il leur a envoyé des révélations et des messagers pour qu'ils puissent abandonner les voies du shaitan. Il ne les a pas abandonnées à son ennemi, à shaitan. فأرسل الله نوحا عليه السلام يدعوهم إلى الله ويريد ردهم إلى الأصل الذي هو التوحيد الذي خلق من أجله ولبث فيهم كما قال الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما ألف سنة إلا خمسين عاما شوف الشر إذا دخل في القلوب صعب إخراجه الشبه إذا تغلغلت صعب مقاومتها ألف سنة إلا خمسين عاما نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يعاني من هذه المشكلة ويعالجها ويدعو إلى الله عز وجل كما ذكر الله ذلك في كتابه ومن ذلك سورة نوح سورة كاملة في قصة نوح مع قومه. Donc le cheikh il dit Allah a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh alayhi salatu wa salam pour inviter son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut les ramener à la base et à l'origine qui est le tawhid, la religion pour laquelle ils ont été créés. Il est resté parmi eux 1000 ans moins 50. 1000 ans moins 50, c'est-à-dire 950 ans parmi eux. Le cheikh, il dit, regardez le mal quand il entre dans le cœur des hommes. Regardez à quel point il est difficile de le faire sortir. Lorsque le shirk est rentré dans le cœur des hommes, lorsque l'égarement est rentré dans le cœur des hommes, regardez à quel point il est difficile de le faire sortir du cœur de ces hommes-là par la suite. Hein? Allahul Musta'an. Donc le cheikh, il dit, les shubuhat et les doutes et les ambiguïtés et les garments, c'est très difficile de les corriger, de les affronter, de les enlever des cœurs des hommes après qu'elles soient rentrées. 950 ans que le prophète d'Allah et le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a souffert de toutes ces difficultés avec son peuple. Essayer de remédier à ce problème et invite son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran. Dans la sourate Nuh, qui est une sourate complète uniquement sur l'histoire de Nuh avec son peuple. Et le cheikh, il cite donc la mention de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, dans la sourate Nuh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون هكذا يدعوهم إلى الله بالحجج والبراهين وبالملاطفة واللين والموعظة لعلهم يستجيبون ثم إنهم زادوا شرا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ما يحبون يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تلفلفوا بثيابهم لئلا يروا نبي الله عليه الصلاة والسلام كأنه عدو لهم وأصروا واستكبروا استكبارا استكبروا عن دعوة الحق ولم يقبلوها ضعل الشيخ cette sourate qui est une magnifique sourate dans le Coran, sourate Nuh, dans laquelle il dit, nous avons envoyé Noé à son peuple en lui disant, avertis ton peuple avant que leur arrive un châtiment douloureux. Nuh a dit, ô mon peuple, je suis un avertisseur clair pour vous, vous ordonnant d'adorer Allah et de le craindre et de l'obéir. Il vous pardonnera vos péchés. Il vous pardonnera vos péchés. Yaghfir lakum min dhunubikum. Il pardonnera une partie de vos péchés. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Et il vous retardera ou repoussera jusqu'à un terme fixé. Et lorsque le terme d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, il ne peut être retardé, si seulement vous saviez. C'est ainsi que le messager d'Allah invite son peuple avec des preuves claires et des évidences, avec douceur et avec exhortation. Il utilise tous les moyens de la sagesse pour les appeler. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire comprendre et nous faire réfléchir que même les messagers d'Allah, dans leur da'wah, avec le ilm qu'ils ont, avec la sagesse qu'ils ont, avec la patience qu'ils ont, très peu d'entre eux ont accepté. Donc ça c'est un point en passant pour nous faire comprendre et nous rappeler qu'on ne doit pas rechercher le nombre dans notre da'wah, mais qu'on doit uniquement chercher à transmettre le message d'Allah tel qu'il a été transmis et de faire connaître aux hommes qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu d'eux pour établir la preuve contre les créatures. Le cheikh va en mentionner plus de détails à ce sujet-là par la suite. Malgré toutes les exhortations, malgré la douceur, malgré tous les moyens que le prophète Nuh alayhi salam a utilisés pour faire parvenir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont fait qu'augmenter en mal. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala cite, il a dit, ô mon Seigneur, j'ai appelé, j'ai invité mon peuple, nuit et jour, et cela n'a fait que de les augmenter en fuite, chaque fois que je les ai invités. Mon invitation n'a fait que les augmenter en fuite. Et à chaque fois que je les ai invités pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Aujourd'hui, parfois, on remarque ce comportement-là de la part des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Et le cheikh, il dit, il n'aimait pas entendre la voix du messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Ils ont placé même leurs doigts dans leurs oreilles et ils se sont recouverts la tête avec leurs vêtements. Ils se sont enveloppés dans leurs vêtements pour ne pas le voir. Comme si c'était un ennemi pour eux. Comme s'il était en train de les appeler à quelque chose de mal ou à quelque chose qui était mauvais pour eux. Alors qu'il ne faisait que de les appeler à ce qui est la meilleure chose pour eux dans cette vie et dans l'au-delà. Et ils ont persisté dans ce comportement et dans cette attitude-là, et ils se sont enflés d'orgueil. Ils se sont enflés d'orgueil face à l'invitation et à l'appel de la vérité. Ils ne l'ont pas accepté. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف الدعوة إلى الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تعظمون الله جل وعلا وتوحدونه لأن الشرك تنقص لله جل وعلا حيث سويتم به من لا يساويه وعبدتم معه من خلقه ومن هو مثلكم بل أنتم أحياء وهم أموات أنتم تمشون وتكتسبون وهم أموات Amwatun fil qubur. Donc le cheikh il continue la suite du verset. Puis ensuite je les ai appelés ouvertement. Puis je les ai appelés, j'ai divulgué cet appel et je l'ai fait également en secret. Et je leur ai dit, cherchez le pardon de votre Seigneur, il est certes pardonneur. Il fera descendre sur vous du ciel une pluie. Et il vous donnera de grandes richesses et des enfants, et il vous donnera des jardins, et il vous donnera également des rivières. Regardez comment le prophète invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, et regardez les paroles qu'il utilise, regardez la façon qu'il utilise également pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lakum la tarjouna lillahi wa qara. Pourquoi le cheikh il dit, pourquoi vous ne respectez pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être respecté? Et pourquoi vous ne l'unifiez pas? Le cheikh il dit pourquoi? Parce que le shirk, en fait, lorsque quelqu'un commet le shirk, c'est comme s'il diminuait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il insultait Allah subhanahu wa ta'ala, puisque il met avec Allah subhanahu wa ta'ala, il met à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala celui qui n'est pas égal à lui. Puisqu'il n'y a rien qui lui est égal. Et vous l'adorez, ou bien vous adorez d'autres avec lui parmi ces créatures, alors que ces créatures-là sont comme vous. c'est-à-dire qu'elles sont créées comme vous, qu'elles sont faibles comme vous, et vous les adorez. C'est-à-dire les mushrikoun, c'est ce qu'ils font. Et le cheikh il dit, non seulement elles sont créées comme vous, mais il y a encore pire que ça, vous, au moins vous êtes vivants, tandis qu'elles, elles sont mortes, et vous les adorez. Et vous, vous marchez, et vous, vous avez le temps d'acquérir des choses, vous pouvez acquérir de l'argent ou des biens ou des bonnes œuvres ou des choses de ce genre, tandis que eux sont morts, ils ne peuvent rien faire. Ils sont morts, ils sont dans leur tombe, et vous, vous les adorez. Ma lakum la tarjouna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara, alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا يذكرهم بآيات الله الكونية ونعمه الظاهرة والباطنة أما هؤلاء الأموات ماذا قدموا لكم خلقوا السماوات خلقوا الأرض أدروا عليكم الرزق أدروا عليكم الرزق أنزلوا عليكم المطر لأي شيء تتعلقون بهم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ما أجدى فيهم هذا كله. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc, qu'est-ce que vous avez à ne pas respecter Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas le vénérer comme il mérite, alors qu'il vous a créé en étapes? N'avez-vous pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux, les uns superposés parmi les autres, par-dessus les autres, et qu'il a fait de la lune une lumière et du soleil une clarté pour vous? Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait pousser de la terre comme des plantes. Et ensuite, il va vous faire retourner dans cette terre et il va vous en faire sortir par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre pour vous comme un tapis qu'il a étendu. Allah subhanahu wa ta'ala leur mentionne les signes dans sa création. Il leur montre ses signes et ses grâces apparentes et cachées. Tandis que ceux que vous adorez parmi les morts, cheikh dit, qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Ce que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils leur ont donné à ces mushrikoun? Est-ce qu'ils ont créé les cieux pour vous? Est-ce qu'ils ont créé la terre? Est-ce qu'ils ont fait tomber sur vous une forme de risque quelconque? Est-ce qu'ils ont fait tomber la pluie sur vous? Pour quelle raison êtes-vous accrochés à cela? C'est-à-dire, le cheikh, c'est comme s'il s'adresse aux mushrikoun en mentionnant ce verset. Il s'adresse au peuple de Noé qui adorait les idoles. Il dit, pour quelle raison est-ce que vous vous accrochez à ces êtres? Est-ce qu'ils vous ont donné de quoi que ce soit de ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans ces versets? Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, vous a fait pousser, comme il fait pousser des plantes. Puis il va vous faire retourner dans la terre et il va vous en faire sortir à la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait la terre pour vous comme un tapis qu'il a étendu, pour que vous puissiez marcher sur ces chemins. Malgré tout ce que le prophète Nuh alayhi salam a dit à son peuple comme argument et comme explication et comme preuve à ce sujet, yani ça n'a servi à rien. Ils n'ont rien écouté. قال نوح ربي إني ربي قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارة تركوا رسول الله واتبعوا دعاة الشرك المغرضين وسهام المغرضين واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هؤلاء هم الرجال الصالحون الذين ماتوا وصوروا صورهم هذه أسماؤهم Naam, le cheikh il dit donc tout ce que le messager de Nuh a essayé de dire yani à son peuple comme argument et comme preuve pour les ramener à Allah subhanahu wa ta'ala et au tawhid n'a servi à rien. Alors Nuh alayhi salam il dit ô mon Seigneur, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont ni les biens, hein, celui qui ne peut ni augmenter, les augmenter ni en biens ni en enfants, peut uniquement les augmenter en pertes. Ils ont abandonné le messager d'Allah et ils ont suivi les gens qui appellent au shirk et qui envoient des flèches parmi les ennemis du tawhid. Ils ont suivi donc ce qui ne peut les augmenter en rien excepté en perdition. Et ils ont établi un grand stratagème pour essayer d'égarer les hommes. Et ils ont dit, ne laissez pas vos divinités, vos idoles. Et ne laissez pas Wad et Suwar et Yarouf et Yarouk et Nasr. Ceux-là sont les noms des hommes pieux et des hommes vertueux qui étaient morts, hein, et dont ils avaient dessiné les images, fait les représentations. Ça, ce sont leurs noms. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا تواصوا بأن يبقوا على عبادة الأصنام وأن يرفضوا دعوة التوحيد وأن يطيعوا دعاة الضلال وأن يرفضوا دعاة التوحيد تواصوا بهذا وهذه كلمة يقولها الكفار والمشركون في وجه الأنبياء على مدار التاريخ يقولون كما قال قوم يعني قوم محمد صلى الله عليه وسلم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يعني الشرك ما هو عجاب التوحيد هو الذي عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني في ملة آبائنا إن هذا إلا اختلاق كذب يكذب عليكم والذي يدعو إلى الشرك هذا صادق والرسول كاذب هكذا العقول إذا مرجت تتصور الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. Donc les cheikhs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont abandonné les messagers et ils ont suivi les hommes qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont enjoints les uns les autres, ils se sont encouragés les uns les autres à rester sur l'adoration des idoles et à rejeter la da'wah du tawhid et à obéir les gens qui font la da'wah à l'égarement, qui appellent et qui invitent à l'égarement, et à rejeter et à refuser de suivre et d'écouter les gens qui appellent au tawhid. Ils se sont enjoints cela, ils se sont encouragés à cela. Et ça, c'est la parole que les kuffars et que les mushrikoun disent au visage des prophètes et devant les prophètes à travers l'histoire. Ils disent comme ils ont dit, hein, comme le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Est-ce qu'on va abandonner nos divinités pour un poète fou? Et il disait également, est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une divinité unique? C'est réellement une chose étonnante. C'est-à-dire que pour eux, le shirk c'est pas étonnant, mais le tawhid c'est ça qui est étonnant. Ma sami'na bihada fil millati al-akhirah. On n'a pas entendu cela dans la dernière religion. Et le cheikh dit, c'est-à-dire dans la religion de nos pères. In hadha illa ikhtilaq. Ceci n'est qu'un mensonge. Donc ils traitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur et ils disent qu'il est en train, ils disent aux autres mouchriquins, il est en train de vous mentir. Tandis que celui qui appelle au shirk, à lui il est véridique. C'est ça qu'ils disent. Et c'est ça qu'ils pensent. Le messager, il ment. Tandis que eux, les mouchriquins et ceux qui appellent au shirk, Eux, ils sont sincères, ils disent la vérité. C'est ainsi que les esprits des hommes, lorsqu'elles s'égarent, elles voient la vérité comme étant fausse et elles voient la fausseté comme étant vraie. Le cheikh, il dit, تجعلون الرسول يجعلون الرسول خائن وكاذب كاذب يجعلون الرسول خائن وكاذب الذي هو أنصح الخلق وأعلم الخلق يجعلونه كذابا أو كاذبا يجعلونه يعني يجعلون دعاة الضلال ودعاة الشرك صادقين وناصحين هكذا إذا أعمى الله البصيرة فإن هذا ما يصدر عنهم فإن هذا ما يصدر عنها وتواصوا بها في مختلف تاريخ الأمم. طب الشيخ الزي ils font des messagers des traîtres et des menteurs, alors que le messager, c'est la plus sincère de toutes les créatures. Donc, celui qui est le plus sincère de tous les hommes, le plus savant de toutes les créatures, ils font de lui un traître et un menteur. Et ils font des gens qui appellent à l'égarement et au shirk des hommes sincères et des hommes véridiques. Et ça, c'est ce qui arrive lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aveugle des peuples et aveugle des gens. Et c'est ce qui est arrivé donc de la part du peuple de Nuh. Ils se sont encouragés tous ensemble dans le shirk. Et ces choses-là se sont reproduites à travers l'histoire des différentes nations par la suite. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دعاهم أن يعبد الله وحده قالوا أنت تريد أن نعبد الله وحده ونترك عبادة الأصنام هذا مستحيل ولا يمكن وهكذا الشر وهكذا الأفكار الخبيثة إذا عششت في الرؤوس وتأصلت في القلوب فإنه يصعب اقتلاعها خصوصا ممن تمرس في الشر وتمسك أو تمكن منه الشر صعب علاجه أما من كان فيه بقية من حياء أو بقية من فطرة وأتى الأمور عن جهل فإنه يرجى إذا تبين له الحق أن يقبله ولكن من تمادى في الضلال فإنه لا يتراجع أبدا. Donc le cheikh il explique. Il dit, regardez l'exemple qu'il cite dans le Coran, un autre exemple aussi. Ils ont dit, est-ce que tu nous es venu pour qu'on adore Allah lui seul et qu'on abandonne ce qu'adoraient nos pères? Alors ramène ce que tu nous promets, c'est-à-dire ramène le châtiment que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Il les appelle à adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et ils disent, tu veux uniquement de nous qu'on adore Allah seul et qu'on abandonne l'adoration des idoles. Ça c'est impossible. Ça c'est pas possible. Hein? Ils refusent. Ils n'acceptent pas d'adorer que Allah et de rejeter ce qui est adoré en dehors de lui. Et c'est ainsi que le mal, lorsqu'il est entrer dans le cœur des hommes ou dans l'esprit des hommes avec ses idées sales et mauvaises et qu'elles sont ancrées dans l'esprit et dans les cœurs, il devient très difficile par la suite de les enlever et de les faire sortir. Et spécialement et en particulier lorsque ces choses-là sont appliquées et pratiquées et que ces choses-là deviennent établies chez les hommes. Ce mal est ancré chez les hommes, c'est très difficile de le guérir par la suite. Tandis que lorsque c'est un mal qui est dans une personne et qu'il reste encore un peu de vie dans le cœur, ou encore un peu de fitra, et que la personne est tombée dans cette chose, ou dans cette erreur, ou dans cet égarement, par ignorance, alors on peut quand même encore espérer que lorsqu'on clarifie à cette personne la vérité, elle revienne. Et qu'elle accepte, tandis que la personne, lorsqu'elle s'obstine à rester dans l'égarement et qu'elle refuse de revenir, après qu'on lui ait clarifié les choses, alors une fois qu'elle a accepté l'égarement de cette façon-là, elle ne revient jamais. Le cheikh il dit, ولكن هذا يعني لا أو هذا لا يعني أننا نترك الدعوة أن ندعوه إلى الله وإن تمادى لأجل إقامة الحجة عليه ولأجل إبطال شبهته ولأجل أن لا يغتر به غيره فنحن لا نترك بيان الحق وإن كان كثير من الناس لا يقبلونه بل نبين الحق من قبله فالحمد لله هذا هو المطلوب ومن لم يقبله فإننا نقيم الحجة عليه ونبرئ ذمتنا. Le Cheikh explique un point important. Il dit, ça ne veut pas dire donc que si cette personne qui s'obstine à suivre l'égarement après avoir connu la vérité, qu'elle ne reviendra pas ou qu'elle ne y reviendra jamais, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à inviter les hommes à Allah ou qu'on doit abandonner l'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala et la da'wa. Même si cette personne s'obstine et s'enfonce encore plus dans son égarement, le cheikh il dit, il faut continuer à faire la da'wa et à inviter ces gens-là à Allah subhanahu wa ta'ala dans le but d'établir la preuve, dans le but d'établir la preuve contre cette personne, contre ce genre de personne, et dans le but de détruire et d'annuler ces ambiguïtés et ces shubuhat, et dans le but également que les autres ne soient pas trompés par ces shubuhat et par ce genre d'individus. Donc on n'abandonne pas la clarification de la vérité, même si on sait que beaucoup d'entre les hommes n'accepteront pas cette vérité. Il est obligatoire malgré tout pour nous de clarifier cette vérité. Celui qui l'accepte, alhamdoulillah, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Mais si la personne ne l'accepte pas, alors au moins on a établi la preuve et on a rempli notre responsabilité et notre devoir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a fait notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça répond à l'idée que certaines personnes ont parfois de dire, ah mais les gens ils écoutent pas ou ils acceptent pas, donc ça sert à rien de leur faire la da'wa. Le cheikh il a expliqué que même s'ils acceptent pas, à partir de ce moment là c'est pas grave, il faut continuer quand même à faire la da'wa dans le but d'établir la preuve contre ces gens là. Le cheikh il dit, wa qalu, il mentionne un verset dans le Coran, qalu لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Donc le cheikh il mentionne ce verset pour prouver ce point là et le clarifier encore plus. Il dit pour les gens qui étaient parmi les juifs à l'époque et qui voyaient que certains parmi les croyants voulaient interdire le mal aux autres, alors certains d'entre eux, parmi ces gens-là, parmi les croyants, ont dit aux autres qui interdisaient le mal, pourquoi vous exhortez un peuple qu'Allah va punir, qu'il va châtier d'un châtiment douloureux ou sévère. Ils ont dit, pour avoir une excuse devant notre Seigneur, hein, pour avoir une excuse devant votre Seigneur, et pour qu'il puisse craindre, hein, pour qu'il puisse avoir un taqwa. C'est-à-dire, soit qu'ils acceptent la vérité, et donc ils vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien parce que, même s'ils n'acceptent pas la vérité, au moins, nous, on aura une excuse devant Allah au jour de la résurrection. Parce qu'on a transmis le message et on a fait notre devoir. Même s'ils ont refusé, eux, de l'accepter. فَطَرِيقَةُ الْمُشْرِكِينَ وَاحِدَةً أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَزَحْزَحُوا عَنْ شِرْكِهِمْ وَآلِهَتِهِمْ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين هكذا قالوا لموسى وهارون عليهما السلام يقولون أنت جئتنا لنترك آلهتنا نترك آلهتنا ولو غرضك النصيحة لنا غرضك أنك تبغي الكبرياء في الأرض تريد الرئاسة علينا إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم هكذا يتهمون الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا تستغربوا إذا اتهم الدعاة بشيء من هذا فقد اتهم الرسل أو اتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين بل إن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد شوف جاءهم بطريق النصيحة موسى يبدل دينهم ويظهر في الأرض الفساد دينهم الشرك يسمونه دين مع أن الدين الصحيح هو التوحيد ولكن سموا الشرك دينا وهو دين باطل ودين الحق هو التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله donc le cheikh il dit des exemples il dit regardez ça c'est toujours la même méthode et la même voie chez les mushrikins. Ils agissent toujours de cette façon-là, à toutes les époques. Ils ne veulent pas être dérangés dans leur shirk et dans l'adoration de leurs idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, hein, ils ont dit à Moussa et à Haroun, lorsqu'ils sont venus à Pharaon, ils ont dit, est-ce que tu nous es venu pour nous éloigner de ce sur quoi on a trouvé nos pères en train de pratiquer comme religion? Et vous voulez que la puissance et le pouvoir soient à vous sur la terre? Et nous ne croyons pas en vous deux. C'est-à-dire, ils les accusent de vouloir le pouvoir. Hein? Et en même temps, ils disent à Moussa et à Haroun, vous voulez qu'on abandonne d'adorer ce que nos parents adoraient ou nos ancêtres adoraient. Donc c'est ainsi qu'ils ont parlé à Moussa et à Haroun. Ils leur ont dit, ton intérêt ou ton but ou ton objectif, c'est yani, d'avoir le pouvoir sur la terre. Tu veux être le chef sur nous. Ce n'est qu'un homme qui veut être avoir un privilège sur vous, être au-dessus de vous. Et c'est ainsi qu'ils accusent les messagers d'Allah, alayhim salatu wassalam. Alors ne soyez pas étonnés lorsque vous entendez qu'on accuse les gens qui invitent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui invitent au tawhid, qu'ils sont accusés de cette manière ou de ces accusations-là, qu'on dise ce genre de choses à leur sujet. Et regardez même l'exemple de Pharaon. Lorsqu'il dit, laissez-moi, je vais tuer Moïse, et qu'il invoque son Seigneur, je crains qu'il change votre religion et qu'il fasse paraître le désordre sur la terre. Il dit, regardez, Pharaon vient et il leur parle comme s'il voulait leur donner le bon conseil. Et il parle de Moussa alayhi salam comme si c'était lui qui voulait faire du désordre sur la terre. Et qui voulait changer leur religion. Alors que leur religion c'est le shirk, ils l'appellent religion. Alors que la religion correcte et la vraie religion c'est le tawhid. Mais ils ont appelé le shirk religion. Alors que c'est une religion fausse. Et la religion de vérité, la religion pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes, c'est le tawhid. Le Cheikh il dit: وَدِينُ الْحَقِّ هُوَ الدِّينُ التَّوْحِيدُ وَهُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ قَوْمُ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَوَصَفَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَوَصَفُوا الْعُلَمَاءُ ووصفوا الصالحين بأنهم يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك هكذا جلساء السوء هكذا وساطة الشر تشير على الملك أو على الرئيس أو على ولي الأمر تشير عليه بأن يعرض عن دعوة الحق وأن يبعد دعاة الحق وأن يبعد دعاة الحق لأنهم مفسدون في الأرض يسمونهم مفسدين في الأرض لأن فطرهم فاسدة أو أنهم يريدون بذلك صرف الناس عن دعوة المصلحين فيصفون المصلحين بالمفسدين في الأرض فهذا في كل زمان ومكان وهذه من سهام المغرضين ضد دعوة التوحيد في كل زمان ومكان. Donc on va terminer avec cette partie où le cheikh il dit, pour terminer, en citant une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que tu vas laisser Moïse et son peuple faire le désordre sur la terre et t'abandonner toi et ton adoration? Regardez comment Pharaon parle, hein, ou bien comment on parle, c'est-à-dire les conseillers de Pharaon, comment ils s'adressent à Pharaon. Ils lui disent: vous allez laisser Moïse et son peuple faire du désordre sur la terre? Regardez comment il les décrit, et comment ils décrivent les savants, comment ils décrivent les hommes pieux, comme étant des gens qui créent et qui font le désordre sur la terre, et qui vont t'abandonner toi et ton adoration. C'est ainsi donc que les conseillers, les mauvais conseillers, les mauvais ministres ou les gens qui sont proches parfois du roi ou bien d'un dirigeant donnent des mauvais conseils, et indiquent à ces dirigeants d'éloigner les gens de la vérité et les gens qui appellent à la vérité. Et d'éloigner les gens qui invitent à la vérité en disant que ce sont des gens qui font le désordre sur la terre. Ils les appellent des gens qui font le désordre. Parce que leur nature, leur fitra, elle est corrompue. Et parce qu'ils veulent éloigner les gens de ceux qui appellent à la réforme et au bien. Alors ils les décrivent comme étant des gens qui appellent à la corruption. Et ça c'est à toute époque et dans toutes les régions, dans tous les lieux. Et ça fait partie donc des flèches des ennemis contre le tawhid et contre la da'wah du tawhid à toute époque et en tout lieu. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui et on continuera la suite demain inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.